DJ, mon petit Kofi, va les raconter. Est-ce que ça va? Kofi connaît pas papier, dernier de la classe. Kofi connaît pas papier. Bon à bas, Kofi ne connaît pas. Même 1 plus 1, Kofi ne connaît pas. Dernier de la classe, CP1 Gosso. Depuis 10 ans, Kofi est au CP1. Un jour venu, une mousse essaie à pénétrer dans la salle de classe de Kofi. Le maître donna à tous les élèves de tirer la mousse essaie. Kofi était toujours endormi dans le tohu-bohu, le cafouillage général. Je dis le brouhaha total. Kofi sort de son sommeil, demande à son voisin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Kosovo ou bien la guerre a déjà commencé? Le maître lui dit, Kofi, pardon, faut dormir. Faut dormir, parce que toi tu connais pas papier. Même le premier de la classe, il n'a pas pu tuer la mouche. Il a tenté, même il s'est blessé. Il est déjà parti à l'hôpital. Kofi, faut dormir, tu connais pas papier. Il dit, monsieur le maître, je vais tuer la mouche. J'ai ma petite technique, moi je vais tuer la mouche. Kofi prend son doigt, il ne fout pas derrière. Attiré par la mauvaise odeur, la mouche vient se poser dessus. Kofi tue la mouche. Depuis ce jour, Kofi est nommé chef de classe. Depuis ce jour, Kofi mange cadeau en récréation. Depuis ce jour, donc en conclusion, je vais vous parler. Dans la vie, c'est pas l'école seulement on réussit. Si tu connais ballon, tu vas finir. Yeah, ah. Si tu connais ballon, tu vas finir. Joyeux, yeah. Si tu connais ballon, tu vas finir. Si tu connais papier, tu vas finir diplomate. Et puis si tu connais tennis, tu vas finir Yannick et moi. Mais si tu connais chanter, tu peux finir Didier Pilé. Oh, I jump in. go now. To the man. To the man, to the man. Samba, samba. Zubu, zubu, zubu. To the man, to the man, to the man. Petit Kofi, tu es puissant. Ça m'a même pas épais.